Bientôt, à force d'essuyer de mauvais traitements, j'y devins moins sensible. Ils me parurent enfin une sorte de compensation du vol, qui me mettait en droit de le continuer. Au lieu de retourner les yeux en arrière et de regarder la punition, je les portais en avant et je regardais la vengeance. Je jugeais que me battre comme fripon, c'était m'autoriser à l'être. Je trouvais que voler et être battu allaient ensemble, et constituaient en quelque sorte un état, et qu'en remplissant la partie de cet état qui dépendait de moi, je pouvais laisser le soin de l'autre à mon maître. Sur cette idée, je me mis à voler plus tranquillement qu'auparavant. Je me disais, qu'en arrivera-t-il enfin? Je serai battu. Soit, je suis fait pour l'être. J'aime à manger, sans être avide. Je suis sensuel, et non pas gourmand. Trop d'autres goûts me distraient de celui-là. Je ne suis jamais occupé de ma bouche que quand mon cœur était oisif. Et cela m'est si rarement arrivé dans ma vie que je n'ai guère eu le temps de songer au bon morceau. Voilà pourquoi je ne bornais pas longtemps ma friponnerie au comestible, je l'étendis bientôt à tout ce qui me tentait. Et si je ne devins pas un voleur en forme, c'est que je n'ai jamais été beaucoup tenté d'argent. Dans le cabinet commun, mon maître avait un autre cabinet à part qui fermait à clé. Je trouvai le moyen d'en ouvrir la porte et de la refermer sans qu'il y parût. Là, je mettais à contribution ses bons outils, ses meilleurs dessins, ses empreintes, tout ce qui me faisait envie et qui l'affectait d'éloigner de moi. Dans le fond, ses vols étaient bien innocents, puisqu'ils n'étaient faits que pour être employés à son service. Mais j'étais transporté de joie d'avoir ces bagatelles en mon pouvoir. Je croyais voler le talent avec ses productions. Du reste, il y avait dans des boîtes des recoupes d'or et d'argent, de petits bijoux, des pièces de prix, de la monnaie. Quand j'avais 4 ou 5 sols dans ma poche, c'était beaucoup. Cependant, loin de toucher à rien de tout cela, je ne me souviens pas même d'y avoir jeté de ma vie un regard de convoitise. Je le voyais avec plus d'effroi que de plaisir. Je crois bien que cette horreur du vol de l'argent et de ce qui en produit me venait en grande partie de l'éducation. Il se mêlait à cela des idées secrètes d'infamie, de prison, de châtiment, de potence, qui m'auraient fait frémir si j'avais été tenté. Au lieu que mes tours ne me semblaient que des espiègleries et n'étaient pas autre chose, en effet. Tout cela ne pouvait valoir que d'être bien étrillé par mon maître, et d'avance, je m'arrangeais là-dessus. Mais, encore une fois, je ne convoitais pas même assez pour avoir à m'abstenir. Je ne sentais rien à combattre. Une seule feuille de beau papier à dessiner me tentait plus que l'argent pour en payer une rame. Cette bizarrerie tient à une des singularités de mon caractère. Elle a eu tant d'influence sur ma conduite qu'il importe de l'expliquer.